Chapitre 1. Debout sur la parade, Chausse Rouge fit un signe et l'orchestre attaqua les premières mesures d'une marche. Puis, tandis que pistons et trombones s'évertuaient, il jeta un coup d'œil autour de lui. À ses pieds, un cormoran déplumé faisait claquer son bec, tandis que, perché au sommet d'une échelle, un singe enchaîné promenait sur les rares passants un regard résigné. Une peau de lion et une peau d'ours se faisant face tapissait le réduit ouvert qui donnait accès dans la ménagerie. Au fond, un trophée de cordes gigantesques entourait une tête de bison. Soudain, Chausse Rouge remarqua que le contrôle était vide. Il courut à l'entrée des premières, souleva une portière effilochée, et de sa grosse voix brutale, « Zézette, cria-t-il, ah ça, vas-tu venir, mauvaise gamine ?»« Oui, papa, mais c'est Anatole qui ne veut pas me suivre. »« Eh bien, tape dessus !» Et presque aussitôt apparut une petite fille de 12 ans environ, dont les yeux et les cheveux noirs faisaient encore ressortir la pâleur, traînant derrière elle comme un chien un jeune lionceau. « Donne-moi ça, fit l'homme, en arrachant brusquement la laisse des mains de l'enfant. Colle-toi à ton comptoir et fais-moi le plaisir de ne plus en bouger. » Puis, comme l'animal résistait, cherchant avec ses pattes de devant à se débarrasser du collier qui lui serrait la gorge, il lui allongea un coup de pied qui l'amena au bord du plancher. « Avance donc, sale bête !» Le lionceau fit entendre une sorte de miaulement plaintif et vint se tapir au pied du piquet, autour duquel Chausse Rouge enroula la laisse. L'orchestre se tut. Le dompteur fit, une minute durant, résonner un gong retentissant. Puis, tandis que le bonisseur achevait son invariable discours, il vint se camper face au public, le jarret tendu, les bras croisés sur son dolman bleu ciel à brandebourgs noirs. Mais ni cette mise en scène, ni les alléchantes promesses du monument ne parvenaient à fixer l'attention des rares passants, qui sillonnaient encore le cours de Vincennes. Il était 10 heures du soir, et bien que la fête battît son plein, qu'on fût encore dans la semaine de Pâques, jamais peut-être de mémoire de voyageur, la foire n'avait attiré moins de monde. En vain, de la place du trône à la barrière, les orchestres faisaient rage. En vain, les bateleurs déployaient toutes les ressources de leur esprit. Le public passait indifférent, accordant à peine un regard aux parades, un sourire aux lazzi des pitres. Depuis le matin, une chaleur lourde, accablante, avait fait regretter la bise de la veille. Maintenant, les nuages noirs amoncelés à l'horizon se rapprochaient. Un petit vent, précurseur de l'orage, faisait bruisser les feuilles des arbres et voltiger l'étoffe des drapeaux. « Allons, messieurs, mesdames, glapissait le bonisseur, prenez vos places, entrez !» Pour la dernière représentation de la soirée, c'est à 50 centimes les premières, 25 centimes les secondes. Travail dans toutes les cages par le célèbre dompteur Chausse Rouge, et la séance sera terminée par le repas des animaux. Entrez, entrez !» Mais personne ne répondait à cet appel. Les projections électriques des baraques voisines n'illuminaient que le vide. Les animaux, énervés par l'atmosphère pesante, se promenaient inquiets dans leurs cages, poussant des rugissements sourds, quand tout à coup de larges gouttes de pluie mouchetèrent les marches de bois de la ménagerie. « V'là de la danse !» dit le bonisseur. « Rien de fait pour ce soir. Allons, rentre, Gustave !» Et il poussa devant lui le cormoran, qui, sentant la fraîcheur de la pluie, lissait avec son bec les plumes de ses ailes. « Bon Dieu !» fit le dompteur en montrant le point au ciel. « Quel gueux de temps !» Et d'un geste de colère, il rabattit au vent qui fermait la ménagerie. Soudain, l'horizon se déchira. Un formidable coup de tonnerre retentit et l'orage creva. Comme par enchantement, le silence s'était fait dans toute la foire. Les lumières s'étaient éteintes. Les animaux nerveux, tout à l'heure, s'étaient calmés. On n'entendit plus pendant un instant que le crépitement continu de l'eau sur les bâches de toile. « C'est ce matin qu'il nous aurait fallu cela, » dit Chausse Rouge, bourru. « Au moins ce soir, avec de la fraîcheur, on aurait du monde. Allons, la même, compte la recette. » Zézette vida son tiroir sur le contrôle et aligna les pièces. 98 francs 50. La recette d'une journée pour donner à bouffer à 53 pensionnaires, hommes et bêtes. Allez vous aligner avec ça. Ah, chien de métier. À la paye, vous autres. Un à un, les musiciens de l'orchestre s'avancèrent. Il remit à chacun d'eux le prix de leur journée. Puis, comme la pluie semblait tomber avec moins d'abondance, les 4 hommes sortirent de la baraque, après avoir souhaité le bonsoir au patron. Comme on aurait envie, dans des moments comme ça, foutre la clé sous la porte et de filer n'importe où, répétait le dompteur découragé. Enfin, heureusement qu'on a encore de la viande pour aujourd'hui. Je vais aller servir les bêtes. pour leur enlever l'idée de se payer sur ma peau demain matin. « Alors, je peux disposer ?» demanda le bonisseur. « Dame, puisqu'il n'y a pas de séance, je ferai l'affaire avec Jean. »« Bonsoir, patron. »« Bonsoir. » Resté seul, le dompteur se dévêtit rapidement et tendit son dolman à Zézette. « Porte-moi cela dans la caravane. »« As-tu dîné ?»« Oui, papa, » fit humblement la petite fille. « Alors, tu peux filer chez la mère Tabary. Je n'ai plus besoin de toi. » Chausseur Rouge rentra dans la ménagerie. Dans un coin, un grand gaillard aux solides épaules était occupé à découper, sur un large étal, supporté par deux roues, des quartiers de viande de cheval. « C'est fini, Jean ?» demanda le dompteur. « À peu près, mais tu sais, ils en auront pour une dent creuse ce soir. »« Tant pis, c'est pas encore la recette d'aujourd'hui qui augmentera leur ordinaire. »« À propos, tu rogneras la portion des vieux, de ceux qui ne travaillent plus. » Voyons, y sommes-nous? Je vais te donner un coup de main. » Ils allaient commencer la distribution quand la portière se souleva, et un vieillard, vêtu d'une blouse bleue, complètement mouillée, fit son entrée. « Bonjour les petits fieux, eh bien, en voilà une de saucée. » Il secoua son chapeau dont les larges bords ruisselaient. « Bonjour, père Vermieux, » firent les deux hommes, en échangeant un regard mélancolique. Le père Vermieux était l'usurier des forains. Ancien voyageur, il avait un beau jour vendu le manège de chevaux de bois avec lequel il avait fait fortune, et s'était retiré dans le petit trou d'Auvergne où il était né. Mais bientôt, repris de la nostalgie de la vie nomade, il avait rejoint le voyage, et il s'était constitué le banquier de ses anciens confrères. Aux uns, il prêtait à la petite semaine, aux autres, aux riches, à ceux dont l'installation offrait une garantie, il faisait des avances à plus long terme, surveillant lui-même l'emploi des fonds qu'il confiait, pourtant à de gros intérêts. De temps en temps, le père Vermieux faisait un tour au pays, puis on le voyait régulièrement reparaître aux échéances. Il était avare, et sa parfaite connaissance du métier et de la solvabilité de ses débiteurs l'assurait contre toute mauvaise spéculation. Plein d'indulgence pour ceux qu'il savait pouvoir se relever à la suite d'une campagne malheureuse, il était intraitable à l'égard de ceux qui étaient à la côte, et il les exécutait alors sans pitié. On le craignait plus encore qu'on ne le détestait, car il n'était peut-être pas un forain sur le voyage, qui n'eût eu besoin dans sa vie d'avoir recours à lui. Justement, Chausseur Rouge était son obligé. C'était le surlendemain qu'il devait payer à Vermieux une somme de 300 francs. Il l'avait oublié. L'apparition du petit vieux venait brusquement de rappeler ce léger détail à sa mémoire. « Eh bien, mes enfants, que pensez-vous de ce petit temps-là ? Ça ne doit pas faire aller le commerce. M'en parlez pas, père Vermieux. Nous avons dû fermer à 10 heures. Et pardieu, vous n'êtes pas les seuls. Depuis le trône, je n'ai pas rentré âme qui vive. Figurez-vous que j'arrive ce soir de mon patelin. Allons faire un tour sur le voyage, que je me suis dit. J'ai mangé un morceau près de la gare, et je m'en suis venu tout doucettement. Je t'en fiche, à peine au pied de la colonne, v'là le tonnerre, les éclairs, tout le diable et son train, toutes les baraques fermées. Ma foi, je marchais devant moi, sous la pluie. J'ai reconnu l'enseigne de Chausseur Rouge, et me voilà. Dis donc, garçon, t'aurais pas une blouse à me prêter pour faire sécher celle-là ? Mais si, père Vermieux. Et si vous voulez, on va prendre ensemble un verre de vin. Ça vous réchauffera. Ah, c'est pardieu, pas de refus. » Et Chausseur Rouge, précédant l'usurier, le conduisit dans la caravane, adossée à la ménagerie. « Tenez, père Vermieux, voilà de quoi vous mettre à l'aise. Pendant ce temps, je vais retrouver Jean, car c'est l'heure de préparer à souper aux animaux. Tout à l'heure, nous serons à vous. » Dehors, l'orage redoublait de furie. Le vent s'engouffrait en sifflant sous les toiles et la foudre tonnait sans relâche. Chausseur Rouge rejoignit son aide. « Encore 300 francs à payer après-demain, et pas le premier sou. » Il avait bien besoin de venir, ce vieux cancre. Il y eut un silence. Les deux hommes, absorbés par les pensées que suscitait la présence inopinée de l'usurier, continuaient à découper les quartiers de viande. Jean parla le premier. Tout de même fit-il avec un mauvais rire. Si on n'était pas des honnêtes gens, il y aurait un riche moyen de s'acquitter en une fois. Lequel ? Demanda Chausseur Rouge qui avait compris. Ou rien, une idée qui me passait par la tête. Il s'arrêta, puis... Comme ça serait tout de même un débarras pour tout le voyage, aussi bien que pour nous, reprit-il en regardant fixement le dompteur. Ne parlons pas de ça, interrompit Chausseur Rouge, évidemment sous le coup d'une pareille obsession. Mais Jean continua. Un homme qui n'a jamais l'habitude de mettre âme qui vive dans la confidence de ses petites affaires, qui n'aime personne et que personne n'aime, qui débarque un beau soir incognito à la gare de Lyon, et qui vous tombe dans une ménagerie, sans que pas un chrétien l'ait vu entrer. Enfin voyons, y aurait-il pas de quoi tenter des gens pas scrupuleux ? Nous sommes des honnêtes gens, fit observer Chaussure Rouge. Sans doute, et c'est Vermieux qui est une crapule. Et une belle. Alors, je ne sais pas, moi. Voyons, jusqu'à quel point ce serait une mauvaise action. Tais-toi, un assassinat, jamais. Avec ça qu'il se gênera après-demain. Malgré que tu l'auras hébergé ce soir, de te faire des misères, même de te faire vendre. Si tu ne payes pas, sans en compter que le vieux, qui porte toujours son argent sur lui, doit avoir la poche bien garnie. Chaussure Rouge leva les yeux et regarda à son tour bien en face son interlocuteur. « Alors toi, tu n'hésiterais pas ?»« Oh, moi, entendons-nous. »« Moi, pas tout seul. »« Enfin, que me conseilles-tu »« Dame, c'est surtout toi que ça regarde. »« Et alors, si en fin de compte, je me décidais, je pourrais compter ?»« Comme sur toi-même, tu le sais bien, acheva Jean. »« Mais pas à deux, car faut être juste, c'est moi qui ai eu l'idée. » Soit, fit brusquement Chaussure Rouge, à qui cet entretien pesait. Pourtant, à cette seconde où il venait de prendre une si subite et si terrible détermination, il se sentit une sorte d'hésitation, comme si l'idée du partage qu'il venait de consentir lui semblait un sacrifice trop lourd, étant donné la responsabilité qu'il assumait. Mais il réfléchit que ce partage, en établissant la complicité de son aide, rassurait en même temps de son silence, et il conclut « Dépêchons-nous, voilà les bêtes qui s'impatientent. » Mais Jean posa sa main sur le bras du dompteur. « Laisse donc, ce sera de l'économie pour demain, puisque c'est décidé. Ils vont en avoir de la viande tout à l'heure. »« Viens, fit Chaussure Rouge. » Tous deux rentrèrent dans la caravane. Le père Vermieux était attablé. « Vous avez déjà fini ? » demanda-t-il. « Non, nous avons fait les parts simplement. Ce n'est pas encore l'heure, ils n'ont l'habitude de manger qu'à minuit. » En ce moment, un long rugissement partit de la ménagerie. « C'est pas leur avis, en tout cas, fit l'usurier en ricanant. En voilà un qui réclame. » « Il ne perdra rien pour attendre, » riposta Jean. « Il sera servi tout à l'heure. »« Vous savez, » continua le père Vermieux, « je ne me gêne pas, je fais comme chez moi. »« Vous ne montiez pas, j'ai trouvé une bouteille de vin. Je l'ai entamée en vous attendant. »« Vous avez bien fait, père Vermieux. » L'usurier, quand il était chez ses débiteurs, saisissait toutes les occasions de se payer en nature. C'était autant de prix sur l'ennemi. Chaussure Rouge s'était assis près du vieillard. Jean était debout, appuyé contre le lit qui garnissait le fond de la caravane. « Viens donc par ici, garçon, qu'on te voit, » dit Vermieux. « La mère Tabary va toujours bien ?»« Mais pas mal, je vous remercie. J'irai demain lui dire un petit bonjour. »« Ça lui fera plaisir. Et vous, père Vermieux, vous êtes content ?»« Pas trop, pas trop. J'ai perdu de l'argent cet an dernier. J'avais obligé ces gredins de Romillard, vous savez, le petit théâtre de marionnettes. J'ai attendu trop longtemps. Bien contre mon gré, il m'a fallu faire vendre. Je n'ai pas retiré mes frais, c'était trop tard. À votre santé, mes enfants !» Chaussure Rouge et Jean trinquèrent ensemble et échangèrent un regard. Les Romillards étaient de malheureux saltimbanques que les exigences de Vermieux avaient ruinés et qui mouraient littéralement de faim. « Sais-tu, continua le terrible vieux en s'adressant au dompteur, que tu ne m'as pas l'air de faire beaucoup fortune. Ton costume que je vois pendu là dans le coin est rudement loqueteux. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas eu de chance non plus, soupira le dompteur, et je suis logé à la même enseigne que les camarades. » Depuis que j'ai perdu ma pauvre femme, dont la maladie m'a coûté les yeux de la tête, il m'est survenu toutes sortes de malheurs. Ma grande lionne est morte, vous savez bien, sultane, avec ses trois lionceaux, encore heureux que ça s'est borné là, et que mes autres bêtes n'y ont pas passé, de la viande malade qu'on nous avait livrée. Voilà ce que c'est que de ne pas acheter de la bonne marchandise. On y perd plus qu'on y gagne, prononça Vermieux. Je comptais sur la foire du trône pour me refaire un peu. Nous avons eu un temps abominable. On ne voit pas un chat, des recettes dérisoires. Et dame, ça coûte cher une ménagerie à entretenir. Mais interrompit Vermieux, tu sais que ton billet vient après-demain ? Ton billet de 300 francs. Je pense que tu seras en mesure. Ayez pas peur, père Vermieux, je serai en mesure après-demain, répliqua Chaussure Rouge avec un sourire contenu. Mais vous ne buvez pas ? C'est ma foi vraie, dit l'usurier rasséréné. Mais dame, ça tient à ce qu'il n'y a plus rien dans la bouteille. Je dois en avoir une autre par là, une bonne. « Voyons donc voir cela, » fit le vieux en passant sa langue sur sa moustache grise. Chaussure Rouge se leva, passa derrière la table et fit mine de chercher dans un petit meuble situé à un angle obscur de la caravane au pied du lit. Jean fit un pas et mit dans la main du dompteur la hachette qui servait à débosser les viandes et dont il s'était muni à tout hasard. « Vois-tu, » continua Vermieux, qui tournait le dos aux deux hommes, « y a rien de tel par les temps de pluie qu'un verre de bon vin, bu avec des... » Il n'acheva pas. D'un coup formidable de sa hachette, Chaussure Rouge venait de lui fendre le crâne. Il s'abattit sans un cri, sans un geste, le nez sur la table, puis son corps glissa lentement de la chaise et tomba sur le côté. Les deux hommes se regardèrent un instant en silence. Enfin Jean se pencha et souleva une main du vieillard. Elle retomba inerte. « Ça y est, fit-il, il a son compte. Allons, ousse, perdons pas de temps, le magot !» Il fouilla dans les poches de l'assassiné, en retira un portefeuille qu'il soupesa une minute. « Bah, tain, il est lourd !» Il l'ouvrit et étala son contenu sur la table. Des lettres détraites parmi lesquelles toutes celles de chaussures rouges et 25 000 francs en billets de banque. « Ce qui fait, dit Jean, 12 500 francs pour chacun de nous, et en plus pour toi ta dette liquidée. » Jean, très calme, avait conservé tout son sang-froid. Maintenant que le coup était fait, Chaussure Rouge sentait une terreur singulière s'emparer de tout son être. Ses yeux papillotaient, il voyait des ombres danser sur les murs, ses dents claquaient. « Allons, pas de sentiments, hein ? Ce n'est pas le moment. Prends ce qui te revient et brûlons le reste. Faut bien faire quelque chose pour les copains. C'est eux qui seront épatés de ne pas voir appliquer Vermieux. » « Tiens, » fit Chaussure Rouge, qui considérait machinalement l'alias de billets souscrits par lui, il y a même celui d'après-demain. Il ne l'avait donc pas passé à un banquier. Pas si bête, le père Vermieux. Il économisait l'escompte. Allons, liquidons, liquidons. » Il tordit l'alias des traites, en fit une torche qu'il alluma au-dessus de la lampe fumeuse qui les éclairait. La flamme jetait autour d'eux des reflets rougeâtres, qui firent de nouveau frissonner le dompteur. « Poule mouillée va. Tu as peur ?» dit Jean en haussant les épaules. « Je n'ai pas peur. » Mais je suis plus à mon aise quand j'entre dans mes cages. Laisse donc, le feu purifie tout. Et voilà, ajouta-t-il en broyant sous son pied les cendres provenant de l'auto d'affé, les infamies de Vermieux réparées et notre crime pardonné. À ce moment, un éclair illumina la caravane, suivi presque aussitôt d'un coup de foudre terrible, auquel répondirent les rugissements des bêtes fauves. V'là le bon Dieu qui dit oui, ricana Jean, finissons-en. Chaussures rouges, livides, les yeux hagards, s'étaient cramponnés, pour ne pas tomber à la cloison de la caravane. Il sentait ses jambes flageoler sous lui. « Ah, tu m'embêtes avec ta peur, » fit Jean durement. « Le vin est tiré, il faut le boire. Aide-moi. » « Je n'oserai jamais, » balbutia le dompteur. « Je ne croyais plus d'aplomb que ça, tu sais. Aide-moi seulement à le déshabiller. Après, je me charge du reste. » Chaussure Rouge rassembla ses forces. Il se pencha ainsi que Jean, et tous deux relevèrent le cadavre, toujours chaud, qu'ils étendirent sur la table. Le visage couvert de sang était méconnaissable. Le crâne presque chauve de l'usurier était partagé en deux par une large ligne sanglante. À la hâte et en silence, les deux hommes enlevèrent les vêtements souillés du vieillard qu'ils transportèrent ensuite dans la ménagerie. Rapidement, Jean débarrassa l'état roulant. Il y coucha le corps et se prépara à commettre son office. « Barricade la portière, » commanda-t-il, « et viens m'éclairer. » Chaussure Rouge plaça devant l'entrée deux larges planches, qu'il assujettit avec une barre de fer. Puis, la lampe à la main, il regarda son aide accomplissant sa terrible besogne. Toujours calme, Jean avait saisi sa hachette et méthodiquement, sans apparence d'émotion, il détacha les membres du tronc. Minuit sonna. Dans les cages, les lions et les tigres, alléchés par l'odeur du sang, rugissaient. Tout à coup, dans un angle obscur de la ménagerie, à 30 pas des deux hommes, une tête émergea d'un monceau de paille. C'était Zézette, qui, contrevenant à l'ordre de son père et épouvanté par l'orage, au lieu d'aller se coucher chez la mère au Tabari, s'était tapie dans le réduit où le dompteur serrait le fourrage. Elle reconnut son père, puis Jean. Tout d'abord, elle ne se rendit pas compte de ce qu'elle voyait. Puis soudain, un cri s'étrangla dans sa gorge. C'était bien un homme mort, assassiné sans doute, que l'autre, l'aide, dépeçait avec tranquillité. Elle crut rêver. Mais non, elle ne se trompait pas. Un des lions, Néron, le plus rapproché des deux hommes, grattait avec fureur le plancher de sa cage, les yeux injectés, la crinière hérissée. « Allons, patience donc, Néron, voilà que c'est fini, » fit Jean, en poussant devant lui son étal roulant. La petite charrette passa à 3 pas de l'enfant. Ses yeux agrandis par l'épouvante ne pouvaient se détacher de l'horrible spectacle auquel présidait son père. Elle ne bougea pas, ne fit pas un mouvement, craignant de se montrer, de faire voir qu'elle avait surpris cet affreux secret. On la tuerait peut-être aussi, elle, si on la trouvait là. Et elle sentit tout son petit corps frissonner des pieds à la tête. Jean était armé d'une fourche de fer. Il commença la distribution. « Les gros morceaux aux plus gourmands, » dit-il d'une voix gouailleuse, en passant une cuisse à Néron, qui se jeta sur cette proie, dans laquelle il enfonça ses crocs avec rage. « Et je vous recommande les os, mes enfants, » continuait Jean. « C'est un morceau de roi. N'en laissez pas, surtout. » « Écoute, » dit Chaussure Rouge, qui sentait une sueur froide perler à ses tempes, « n'en donne pas aux bêtes qui travaillent. J'ai entendu dire que la chair humaine avait un goût, et que quand ils en avaient mangé une fois... Allons donc, peureux, il faut que chacun ait sa part. » Quelques instants après, l'étal était vide. Il ne restait plus rien du corps de Vermieux. « Et voilà, ça y est, » fit Jean, tout joyeux. « Maintenant, je vais me laver les mains, et la police sera rudement fine, si elle retrouve la trace du vieux. » « Est-ce que tu vas t'en aller ?» demanda le dompteur. « Non, diable, ce n'est pas le moment de s'endormir. Il faut veiller à ce que ces sacrés animaux-là n'en laissent pas une miette. Vois-tu qu'on retrouve demain matin un doigt de pied du père Vermieux ? Après, nous brûlerons ces frusques. » Tout à coup, un bruit semblable à un cri humain retentit derrière eux. « As-tu entendu ?» fit Chausse-Rouge en se retournant vivement. « Mon Dieu, que tu es embêtant, c'est un singe qui jacte. Il n'y a ici que des amis, des croque-morts. » Les deux hommes prirent place sur un banc des premières. « Et que comptes-tu faire de ta galette ?» demanda Jean. « Dame, je ne sais pas. Payer mes dettes, m'agrandir. Veux-tu que je te fasse une proposition ? Associons-nous. »« Oui, c'est cela, associons-nous, » répliqua vivement le dompteur. « Comme cela, pensait-il, il restera près de moi toujours, et je ne serai plus seul, en face de ces bêtes qui ont mangé Vermieux. » Derrière eux gisait, évanoui sur la paille, Zézette qui avait compris.